Toi, tu cherches les problèmes? On n'a pas besoin de chercher les problèmes. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas besoin de chercher les problèmes. C'est eux qui vous trouvent, hein? Toute notre vie est un problème. Et à qui la faute, tu crois? La justice! Yeah, man! Ouais, gros. La justice! Comme un putain d'horizon lointain, je m'en inspire chaque soir en tirant sur un gros joint. Mes mains saisissent la plume et gravent mon histoire dans la roche. Décoche les mots comme un archer décoche ses flèches. J'ai fait une brèche dans l'histoire pour y trouver la lumière, afin de ramener le mien vers une pensée volontaire. Je suis plutôt terre à terre en ce qui concerne ce monde, toujours en équation, en donnant les bonnes ondes. Alors comme ça il paraît que t'as plus le droit de squatter en bas des cages d'escalier où on se réunissait, pendant que l'État s'autorise les pots de vin, les dessous de table. C'est à ceux qui n'ont rien que l'on braque les portables. C'est dans ce climat instable que tu grandiras, fils. Qu'est-ce que ce sera les couvre-feux, les interdits, les milices? Alors t'étonne pas si les jeunes critiquent la police. Bien le nom pour tout ça et ça s'appelle l'injustice. Injustice. Ils nous sont mécoupables aux yeux de la justice. Injustice. Devant les bavures étouffées de la police. Injustice. Pour tous les blancs, rebeux, renois, métis. Injustice. Pour tous ceux qui le soir subissent. Injustice. Ils nous sont mécoupables aux yeux de la justice. Injustice. Devant les bavures étouffées de la police. Injustice. Pour tous les blancs, rebeux, renois, métis. Injustice. Pour tous ceux qui le soir subissent. Des fois je me dis que la vie qu'on vit faudrait qu'on la laisse aux autres. Le genre type est bien abruti à qui l'on ouvre les portes. Même si tes notes s'exportent, iront-elles foudroyer les esprits? C'est surtout ceux qui sont dans un bloc m'auront bien compris. Mais tous les autres, les petits bourges et les sceptiques, auront-ils l'envie de vivre dans la fosse sceptique? Ça se complique quand cliquent les menottes sur tes poignets. L'instant d'après n'existe plus et clic, tout est figé. Le compte repart, jamais de mauvais départ. De toute façon le son fait rempart, transperce de part en part. La société nous sépare, nous met toujours à l'écart. Veut nous pousser au placard parce qu'on craigne le soir. En attendant que ça puisse évoluer pour nous et dans le bon sens, on gardera nos atouts, ce qu'ils appellent délinquants. Message à la jeunesse de France. Injustice. Ils nous sont mécoupables aux yeux de la justice. Injustice. Devant les bavures étouffées de la police. Injustice. Pour tous les blancs, rebeux, renois, métis. Injustice. Pour tous ceux qui le soir subissent. Injustice. Ils nous sont mécoupables aux yeux de la justice. Injustice. Devant les bavures étouffées de la police. Injustice. Pour tous les blancs, rebeux, renois, métis. Injustice. Pour tous ceux qui le soir subissent. Y'en a qui disent de nous qu'on avance pas, qu'on galère, qu'on fonce dans le mur tout droit et qu'on fait nos prières, frère. Qu'on est resté vénère parce que la vie nous a déçus. Y'a pas que des mauvais côtés, je t'en donne un aperçu. Y'en a surtout connus, tout vus sans jamais être sortis. Y'en a qui les écoutent bêtement d'un air ahuri. Y'en a aussi des chamés aux idées de croix gammées. Décident de nous faire payer par tous les moyens refrais. Y'en a qui se trouvent en haut et qui méritent même pas d'être un an. Y'en a qui se l'ajoutent trop et qui la ferment dès que je suis là. Y'en a qui disent aussi qu'on fait du rap vénère. On se fait des ennemis parce qu'on est resté fiers. Y'en a qui sucent pour entrer et d'autres qui font le tour. Y'en a qui veulent jamais raquer ni croire en l'amour. Y'en a aussi qui sont mal barrés parce qu'ils ont trop cru. Et y'en a qui aimeraient tout tenter et qui finiront seuls ou pendus. Injuste.